chroniqueur. Une vie de jeune imprudent, le bise et les kiss des en deux temps trois mouvements, la tise est vidée, l'oseille rentre facilement, les Yankees sont friqués. Ce soir on squatte un banc avec une taille et un poste niqué. Mes potes sont hal, pensent qu'au go et à forniquer. Alors on traîne près des Champs-Élysées. Yeah, l'alcool est fort et j'ai les impros pour les faire kiffer. DOZ, jamais en manque d'idées. DJ, monte le volume que j'entends la basse vibrer. Qu'elle résonne jusque dans ta cité. Refrain, les petits joueurs sont traumatisés. Bien essayé, mais trop mal visé. Hey, mes albums sortent et sont de qualité. Les nazes veulent test, mais sont pas qualifiés. Pendant qu'ils perdent leur temps à se fatiguer, mon nouveau vinyle est en train de se fabriquer. Avec nous, Cléo et ODT. Ça va tout péter. Dans le rap, beaucoup jouent un rôle. Regarde les reins qui fabulent. Moi c'est du vrai, si ça t'a plu, ben fais-moi de la pub. Il est grand temps que je me catapulte, que j'atteigne le sommet avec mes thunes. Ciao à tard plus. Ils ont pas foi en moi, tout ça parce que je suis Renoir. Mais dès qu'ils me voient, ils s'excitent comme des chihuahuas. T'aimes pas mon son, c'est pas ton genre ou quoi? Pourquoi tu m'en boucales, bouffon? T'es aussi drôle que Jean Rougasse. Je me fais comprendre, c'est pour ça que j'articule. Je vous blesse à chaque piqûre, je suis pas un star qui cuve. Je mets pas d'eau dans mon vin. Non, vu que j'en bois pas, le rap c'est ma putain, mais le soir je fais chambre à part. Vous êtes trop ignoble, bande de guignols. Moi je suis la marionnette de personne, je mène une vie noble. Je suis trop gonflé à bloc, je m'en prends les coups de vos trucs. Tous des cons, ils se dégonflent comme des ballons de baudruche. Les buts prosternent, ainsi va cette vue de casse qui te cache plein de surprises comme la queue dans un string d'un draft. Je crache à mon argent de malade, d'autres protestent à leur manière. Moi je conteste dans un mic, l'état balafre et laisse des plaies pourries pleines de haine. Putain, en plus on stresse trop, faut qu'on stresse trop. Le temps file, faut qu'on pèse gros. Ils veulent qu'on stresse car nos messages passent. Ils sont scato, ils aiment les fions pleines de merde, les aisselles pleines de crasse, les mains sales comme leurs idées malsaines. Ils brassent des liasses et nous mettent en scène d'un départ comme des singes. Les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes en string de ficelle. Pousse un cri de minette sur des pauvres bits binaires. Mes lyrics strange, j'ose la sopinelle. Rouillé, si shoot again, rap vénère. Made inside, on pète des vertèbres. Fracture ouverte, la clavicule. Tu puisses tes règles, on te canicule. Crame le cul, on dit ciao dans une civière. J'arrive comme un ovni, rien qu'on innove, pas de love me. Ma musique n'est pas douce comme Dove, un love à dormir. Sur la route de l'or, avec le doute de l'homme. Me demande pas pourquoi ce move me donne envie de vomir. 9-2, c'est mon empire, je vais pas me repentir. Qui pleuve ou qui vente, je m'en vante de s'en venir. C'est le début de ma révolte. Quand tu vois les votes, y'a belle des champs au corps à corps avec un cœur de vampire. Ça c'est mon vaisseau, moi-même aux manettes. Nightmare ma planète, sinon je me serais vaisseau. On te laisse de l'avance, il est grand temps de reprendre les commandes. Car ça s'avérait si on faisait ça pour les sous. Un nouvel épisode, frère. Nous que du réel, pas comme vie. Roswell ou bien les 10 hommes verts. Une vie de rue qui va mettre mal les plafonds bafetards. V'là le jeune délinquant accro aux genres, sorti du Diecar. Ça y a le teaser tricard à des heures, pas possible hein. Moi j'ai trop de soucis, mais défoncé je suis si bien. J'marche dans la rue d'Aïe, j'm'en fous, j'emmerde des gens. J'ai un faux speed qui mitraille et j'suis traqué par les dames gens. NOSS, tange, banlieusard, loin des tentes. Petit blanc à deux pas du placard, voici mon histoire. 25 piges, 9 ans de rap et 10 ans d'inconscience. Place des deux streets qui reflètent toutes mes souffrances. C'est que l'intro, pour je reste calme, ça sent déjà le béton, ça sort des Ulysses. Banlieue sud, pas la respect, petit con. En bref, mon frère, j'ai plus de temps à perdre. Mon flow n'est pas chargé à plomb, les putes, j'ai souci à faire. Je tire les balles de ma vie, constate les impacts, je flingue la mélodie. Je me vesquille, personne me rattrape. J'y sens en cavale, en baguille, pas de cravate. Flamme à rafale, malgré le sursis, je viens de savate. Nocif, je viens laissant les faux frères. À sauce de dingue, on prend l'assaut de terre, terre. 91 940, on représente. Gosponsas, industrie, on vient claquer les strings. Aïe, ça qu'a rien. ODT, Moses, cachez vos gonzesses.